Je ne peux plus marcher. Mes jambes plient. Au nom du ciel, fais un effort! Le temps presse! Je n'en peux plus. Regarde là-bas. Ils se sont levés, tous apprêtent pour la guerre. Soldats rangés, armes fourbies, regards de haine, sans un mot. Écoute-moi. Je ne puis plus avancer. Je vais te dicter un message pour les députés. Viens près de moi. Écris ce que je te dis.